Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Pourquoi a-t-elle été oubliée ? Oui, pourquoi celle que l'on a appelée, un peu abusivement, l'espionne de Fidel n'a-t-elle pas bénéficié de l'échange d'espions à l'occasion du spectaculaire réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis ? La question ne manque pas d'intriguer car la belle Anna Belén Montes a sans doute été la taupe la plus efficace que les services secrets cubains aient jamais possédé au sein même du renseignement américain. Alors, pourquoi le nouveau maître de l'île, Raúl Castro, n'a-t-il pas demandé en priorité l'élargissement d'Anna, emprisonnée depuis 13 ans dans l'un des établissements pénitentiaires les plus sévères des États-Unis ? C'est d'autant plus étonnant que l'alter ego d'Anna Montes, un certain Rolando Saraf Trujillo, un espion de premier plan qui a peut-être permis qu'elle soit démasquée, a lui été libéré par les Cubains, sans que l'on sache d'ailleurs ce qu'il est devenu depuis. Bref, vous l'avez compris, cette affaire demeure encore mystérieuse. Monsieur X ne pouvait donc pas ne pas s'intéresser à ce curieux échange d'espions qui rappelle les heures les plus tendues de la guerre froide. Et il demande donc avec insistance, pourquoi a-t-on oublié Anna Belén Montes ? De Cuba lo que impuso y que se pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta. ¿Entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó compa y segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor. Salió por de Buena Vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el morro. El cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Rappelez-vous, puisque c'est très récent, ça a été un vrai coup de cœur. Mais la soudaine réconciliation américano-cubaine. En décembre 2014. En réalité, on le sait aujourd'hui, c'est une entreprise qui était en gestation depuis plusieurs mois et qui a été préparée sous la houlette de quelques prestigieux intermédiaires. On a parlé du pape François. Mais les dirigeants canadiens ont aussi joué un rôle. Et quelques chefs d'État d'Amérique latine qui plaidaient depuis longtemps pour que Cuba cesse d'être rangé par les Américains dans le camp des pestiférés. Ouais. Et ça durait depuis plus d'un demi-siècle. Depuis l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, oui. Mais les rapports entre Cuba et les États-Unis, c'est encore une plus vieille histoire. Au fond, depuis que les Américains ont chassé les Espagnols de Cuba sous prétexte de la décoloniser. Oui, ça, c'était à la fin du 19e siècle. Oui, donc depuis cette époque, Washington n'a jamais cessé de considérer que Cuba était sa chasse gardée. Les Américains y ont longtemps entretenu une garnison. Et ils possèdent toujours un petit bout de l'île, hein. Ah, la sinistre base de Guantanamo et son camp de prisonniers. Enfin, il faut rappeler que lorsque les castristes entreprennent de lutter contre la dictature de Batista, Cuba est alors une sorte de dépendance de la mafia américaine. J'exagère à peine. En tout cas, dès que Castro triomphe, l'animosité de Washington ne tarde pas à se manifester. Et c'est l'escalade. Car les mesures de rétorsion prises contre le nouveau régime vont précipiter celui-ci dans le camp communiste. Ouais, mais chez Castro, c'était peut-être une pente naturelle. Ah bah ça, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit. Après la nationalisation des biens états-uniens sur l'île en 1960, Cuba est placée sous embargo. Oui, ça dure. Eh oui. Et d'une certaine façon, l'isolement agressif imposé à Cuba par les États-Unis a justifié le totalitarisme mis en place par Fidel Castro. Puisque le leader Massimo pouvait prétendre, non sans raison, que son île vivait sous la menace permanente d'une intervention militaire américaine. Je vais vite, hein. Washington a donc considéré pendant plus d'un demi-siècle que la présence d'un régime communiste à quelques encablures de ses côtes était inacceptable. Et cette hostilité a donné lieu à plusieurs épisodes très chauds. Bon, n'y reviens pas car ce sont des sujets que j'ai souvent évoqués avec vous. Alors, forcément, de part et d'autre, l'espionnage a joué un rôle considérable. Et ici, il faut tout de suite dire que les services cubains de renseignement souvent ont damé le pion à leurs homologues américains et se sont montrés très efficaces. Je n'invente rien, c'est un ex-officier de la CIA qui l'a reconnu assez récemment. Ah bon, et qu'a-t-il dit exactement alors ? Ce spécialiste, un certain Brian Lattel, a affirmé que l'espionnage cubain compte parmi les meilleurs du monde. Et selon lui, c'est remarquable pour un petit pays insulaire qui ne compte que 11 millions d'habitants. Mais comment expliquer cette excellence ? Ce serait dû à Fidel Castro lui-même. Fidel qui s'est toujours intéressé aux renseignements depuis l'époque où, guerriero, il combattait dans le maquis. Il a par exemple toujours tenu à entretenir des rapports personnels avec ses espions, dont les motivations, il faut le noter, étaient essentiellement patriotiques ou idéologiques. Ouais, des idéalistes au fond qui n'agissaient pas par intérêt. C'est ça. Donc pour vous, Castro était le vrai chef de l'espionnage cubain ? C'est certain. C'est pourquoi il a accordé des moyens illimités en personnel à la DI, la Direction Générale du Renseignement. En outre, les services cubains ont reçu un soutien technique important des grands frères de l'Est, le KGB et la Stasi, ce qui a également permis au régime castriste de mettre en place un formidable et redoutable réseau de surveillance de la population cubaine. Ce qui rendait difficile toute tentative d'infiltration par des agents étrangers. Et ça explique en particulier pourquoi Fidel Castro a pu échapper à toutes les tentatives d'assassinat de la CIA, dont certaines perpétrées avec la complicité de la mafia. Un seul exemple, celui de Rolando Cubella, un ancien révolutionnaire recruté par la CIA sous la présidence de Kennedy pour tuer Castro. Mais avant de passer à l'action, il a été retourné par la DI cubaine. Un dernier mot sur ce sujet, et qui va d'ailleurs dans le même sens. Les Américains ont trop souvent sous-estimé l'efficacité du renseignement cubain. Et ils l'ont payé parfois assez cher. Mais parce qu'ils ne se sont pas assez souvent méfiés. Certainement. Mmh. Et l'existence d'Ana Belén Montes en est une illustration particulièrement éclairante. Auparavant, disons-le tout de suite, l'histoire des relations entre les États-Unis et Cuba est jalonnée d'épisodes où les questions d'espionnage ont été centrales. Enfin, je ne veux pas remonter trop loin. Mais observons d'abord ce qu'il se passe en 1987. Un véritable tournant, pour une fois à l'avantage des Américains. À raconter. La CIA était alors très consciente de son impuissance face à la pénétration du renseignement cubain aux États-Unis. Il lui fallait donc réagir. Et en juin 1987, elle a réussi un très joli coup en obtenant la défection de Florentino Aspiliaga, l'un des agents cubains les plus importants de son pays. Un homme qui, 2 ans plus tôt, avait été honoré en recevant le titre d'officier du renseignement de l'année. Ah oui, officier du renseignement de l'année. Belle prise donc, hein. Et à cette occasion, les Américains ont découvert qu'il existait 50 taupes cubaines infiltrées au plus haut niveau de l'appareil d'État américain. C'est-à-dire au Congrès et dans la haute administration. Dont certains étaient d'ailleurs des agents doubles, retournés par les services castristes. Ben, c'était en même temps la preuve que les services cubains étaient très actifs. Hein. En effet. Mmh. Autre affaire, en 1998, les Américains annoncent le démembrement d'un réseau de 5 espions cubains accusés d'avoir infiltré des associations anticastristes à Miami. Miami où s'est regroupée une partie de la diaspora cubaine. Une diaspora très virulente vis-à-vis du régime cubain et qui a été un véritable vivier où la CIA a souvent recruté des hommes de main afin de commettre des mauvais coups sur l'île. Mais le fait de pénétrer des associations anticastristes, ce n'est pas vraiment de l'espionnage, non ? Ah bah c'est ce qu'on a toujours prétendu à la Havane. Mais la justice américaine en a décidé autrement. Et les 5 Cubains ont été lourdement condamnés, tandis que Washington, en représailles, a exigé l'expulsion de 3 membres de la mission cubaine à l'ONU. Bon, on reparlera de ces hommes qui ont été au centre de l'opération d'échange de 2014. Nouvelle affaire, en février 2000, un haut fonctionnaire américain du service de l'immigration et des naturalisations de Miami est interpellé, Mariano Fajet. Un citoyen d'origine cubaine est soupçonné d'avoir fourni des informations classifiées à la Havane. Mmh, à propos de quoi ? Sur les actions anticastristes, mais aussi sur les contrats du Nicaragua, ces contre-révolutionnaires financés clandestinement par la CIA. Le plus étonnant dans ce nouvel épisode, c'est que le père de Fajet était l'ancien chef du bureau de répression des activités communistes de la Havane à l'époque du dictateur Batista. Ah ben, c'est une affirmation de l'adage, c'était le père tel fils. Hein. Mais l'affaire la plus retentissante est sans doute celle de l'arrestation d'Ana Belén Montes, l'espionne cubaine la plus importante jamais attrapée sur le sol états-unien. Toutefois, à l'époque, on en parlera peu. Et pourquoi ? Bah parce qu'elle intervient en septembre 2001. Ah oui, alors tout juste après les attentats du 11 septembre à New York. L'actualité est alors entièrement centrée sur les attentats et leurs conséquences. Pourtant, l'arrestation de cette jolie femme est un événement considérable. J'y reviens tout de suite. Auparavant, je voudrais évoquer un autre cas d'espionnage qui a été dévoilé en 2009. Celui de Walter Kendall Myers, un honorable représentant de la bourgeoisie de Washington. Par ailleurs, arrière-petit-fils de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Ce docteur en histoire a fait une grande partie de sa carrière au département d'État où il a occupé de hautes fonctions. Un diplomate, donc. Détail intéressant. Myers ne s'est jamais caché d'avoir des convictions progressistes et s'est marié avec une militante née, ancienne opposante à la guerre du Vietnam, écologiste et tiers-mondiste. Dès 1978, Myers a été abordé par un sympathique représentant de la mission cubaine à New York, qui l'a même invité pour un séjour de 2 semaines à La Havane, tout frais payé. Et il a pu s'y rendre malgré l'embargo ? Oui, l'administration Carter s'était montrée assez souple quant aux conditions de voyage chez l'ennemi cubain. Mais ça changera, sur Reagan. Myers est passionné par ce qu'il voit à Cuba. Ah, il tombe sous le charme. N'exagérons pas. Mais il se rend compte que son pays se conduit de façon injuste à l'égard de Cuba. Mais devient-il un espion pour autant ? Bah, ce n'est pas aussi clair que cela. Disons qu'il va accepter d'aider clandestinement les Cubains. D'autant que sa carrière progressant, il a accès à des informations de plus en plus confidentielles. Ah, mais c'est donc un agent. Si vous voulez. Quand il sera arrêté, on retrouvera sur son ordinateur quelques 200 documents traitant de Cuba. Essentiellement, des papiers d'ordre politique et économique issus des services de renseignement américains. Et comment va-t-il être découvert ? Sa femme et lui, car elle est directement impliquée. Eh bien, dès 2006, le FBI est alerté. Des fuites ont été constatées au département d'État. Et de fil en aiguille, on en vient à soupçonner ce gauchiste de Kendall Myers qui multiplie les provocations. Ah, les provocations, c'est-à-dire ? En déplacement en Chine, il ose prononcer un discours très élogieux sur Pékin. Et ce n'est qu'un exemple. Ouais. Ça veut dire en tout cas qu'il ne se cache guère. Et le FBI finit par lui tendre un piège en lui présentant un faux agent cubain. Et il tombe dans le panneau. C'est exactement ça. Et le couple Myers, qui envisageait de finir ses vieux jours à Cuba, est arrêté. Lui sera condamné à la prison à vie et elle écopera d'une peine assez lourde, eu égard à sa modeste activité dans cette affaire. Mais ça prouve que 5 ans avant la réconciliation de la fin de l'année dernière, les Américains sanctionnaient avec la plus grande sévérité les agents pro-cubains, même quand ce n'étaient pas de véritables espions. Un dernier mot sur les Myers. Avant de vous parler d'une espionne d'un autre calibre, Ana Belén Montes. Je vous écoute. Eh bien, tout comme cette dernière, les époux Myers ont été purement et simplement oubliés par les Cubains en décembre dernier. Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pignot. Monsieur X l'a dit, les Cubains n'ont donc pas manifesté leur reconnaissance à l'égard des Myers lors du marchandage d'espions de l'année passée. Analyse d'un ancien des services français, Alain Rodier, dans une publication prémonitoire du Centre français de recherche sur le renseignement en 2010. Pour les services cubains, la manipulation des Myers est un succès sur toute la ligne. Ils ont obtenu, sur la durée, des renseignements dont une partie était de grande qualité. En dehors des frais de fonctionnement et de déplacement, cette affaire n'a pas coûté bien cher car les Myers agissaient par idéal et non par vénalité. Enfin, ils n'ont pas eu à gérer financièrement la « retraite » entre guillemets de leur vieux collaborateur devenu inutile, puisqu'ils n'avaient plus accès à des renseignements classifiés. En effet, ces derniers ont été appréhendés avant d'avoir pu mettre leur rêve à exécution, rejoindre leur paradis rêvé, Cuba. Washington pourrait se servir d'eux pour négocier un échange, mais il est douteux que la Havane éprouve le moindre sentiment de générosité à l'égard de Yankees qui l'ont si bien servi. Alors, je vous l'ai promis, évoquons maintenant cette figure assez exceptionnelle, celle de la belle Ana Belén Montes. Je sens de l'admiration d'autrefois. D'une certaine façon, vous avez raison. Parce que professionnellement parlant, Ana a été une espionne talentueuse. Mais surtout, elle a été absolument désintéressée. Elle n'a jamais été rétribuée. Non. Et en cela, elle était à l'image de ces révolutionnaires du début du XXe siècle qui ne devenaient espions que par idéalisme. Enfin, passons. Alors, d'où vient cette femme ? Elle est portoricaine. C'est important parce que son île natale a été conquise par les Américains à l'époque où ces derniers prenaient pied à Cuba. Alors, de la guerre avec l'Espagne. Oui, et vous le savez, Porto Rico bénéficie aujourd'hui d'un statut assez étrange. Ce n'est ni un État américain, ni tout à fait une colonie. Et il existe des velléités indépendantistes. Et donc des militants anti-américains. Qui auraient pu influencer Ana Montes ? Je ne sais pas. Mais il y a certainement des affinités entre les Cubains et les Portoricains hostiles à la mainmise des États-Unis sur leur île. Mais je poursuis. Son père est un médecin militaire respecté. D'ailleurs, Anna est née en 1959 en Allemagne, sur une base militaire états-unienne. Ensuite, la famille s'établit dans la banlieue de Baltimore, dans le Maryland. Le père est colérique et bat ses enfants. Ah, une enfance difficile alors pour Anna. Au moins jusqu'au divorce des parents quand Anna est adolescente. À noter que la mère a une forte personnalité et devient même une figure de la communauté portoricaine locale. D'emblée, Anna se révèle très brillante. Elle obtient une licence en relations internationales, puis participe à un programme d'échange culturel avec l'Espagne. Ouais, l'Espagne qui sort tout juste du franquisme. Et ça marque la jeune fille, d'autant qu'elle fréquente alors un jeune et bel Argentin d'extrême gauche. Ah, un compatriote du Che. Oui, Anna n'en a pas encore fini avec ses études. Au début des années 80, elle passe un master de relations internationales à la prestigieuse université Johns Hopkins de Washington. Déjà, elle travaille parallèlement comme secrétaire au département de la justice, où elle est de plus en plus appréciée et sera bientôt autorisée à compulser des dossiers classifiés. C'est alors qu'elle fait une rencontre décisive. Martha Rita Velasquez, une autre étudiante portoricaine, est également employée dans un ministère. Mais surtout, elle s'est engagée secrètement aux côtés des Cubains. Ah, c'est un agent. Qui va être chargé de recruter Anna Montes. Et comment réagit celle-ci alors? Elle est déjà acquise à la cause cubaine. Et puis ce sont les années Reagan. La guerre froide connaît un renouveau et Washington s'est aventuré dans ce désastreux financement illégal des Contras au Nicaragua. Ouais. Alors c'est un contexte favorable pour tous ceux qui critiquent l'impérialisme américain. Et donc les Cubains qui recrutent tant et plus dans les universités américaines. Et pour Anna Montes alors, comment ça se passe? Lors d'un dîner, Velasquez lui confie qu'elle a des amis qui viennent en aide au peuple du Nicaragua. Ouais, une cause qui retient l'attention d'Anna. Oui, et un peu plus tard, en décembre 1984, les deux femmes se rendent ensemble à New York où elles rencontrent un agent cubain qui travaille à l'ONU. Puis l'année suivante, elles se rendent à Madrid où un autre cubain leur fournit de faux passeports pour leur destination suivante, Prague. Une escale avant le voyage à Cuba. Anna Montes a donc déjà choisi. C'est évident, car elle accepte de suivre la formation d'une parfaite espionne. Elle apprend par exemple à coder des messages pour les transmettre par radio en ondes courtes, ou encore la technique qui permet de subir avec succès le test du passage au détecteur de mensonges. Puis les deux femmes reviennent aux États-Unis en repassant par Prague et Madrid. Officiellement, elles ont effectué un long séjour touristique en Espagne. Photos de vacances à l'appui. Ouais. Et ensuite concrètement, Martha Velasquez aide son amie à décrocher un emploi à la DIA, le service de renseignement de l'armée. Et dès septembre 1985, Anna est embauchée comme analyste dans cette agence où elle se montre rapidement brillante et efficace. Détail intéressant, les deux amis, sur ordre de leurs officiers traitants cubains, feignent de rompre. Une façon de les protéger si l'une d'elles tombe. Mais au fait, avant d'être engagée, là, Anna Montes a dû faire l'objet d'une enquête. Tout à fait. Mais une enquête relativement succincte. Tout au plus remarque-t-on qu'elle a falsifié son diplôme d'art obtenu à l'université Johns Hopkins. Une faute vénielle qui ne met pas en cause sa fiabilité. Par contre, point positif, il est noté que son frère Alberto et sa sœur Lucie sont tous deux des employés du FBI. En tout cas, à la DIA, Anna creuse son sillon et est rapidement promue. Elle finit par être nommée première analyste politique et militaire de la DIA pour Cuba. Bah, c'est un fantastique poste d'observation pour une espionne. Hein. Et qui lui permet même de peser un tant soit peu sur les orientations de la politique états-unienne vis-à-vis de Cuba. Et son activité est d'espionne. Presque tous les soirs, sans jamais rapporter de documents chez elle, Anna retranscrit de mémoire ce qu'elle a appris dans la journée et transmet ses informations préalablement chiffrées à Cuba via un poste radio à ondes courtes. Rencontre-t-elle parfois son ou ses officiers traitants? Ça lui arrive, oui, en respectant les procédures qu'elle a apprises. Elle osera même se rendre 4 fois à Cuba sans se faire repérer. Ah oui. À la CIA, les employés subissent régulièrement des examens au détecteur de mensonges, hein, le polygraphe. Mmh. Est-ce le cas à la DIA? En 1994, elle passera le test sans aucune difficulté et soumise à une nouvelle enquête de sécurité malgré le fait que le rapporteur observe, je cite, « une tendance à tordre la vérité pour ses propres besoins ». son autorisation d'accès à des dossiers hautement confidentiels est reconduite. Analyste senior à la DIA, elle a maintenant connaissance de presque toute l'information que le renseignement américain rassemble sur Cuba et fait partie du très secret groupe de travail interagence sur Cuba. Elle n'éveille donc aucun soupçon. Et pourtant, le renseignement américain s'interroge sur l'origine de certaines fuites. Ainsi, on se demande comment les Cubains ont pu obtenir des informations sur un système de surveillance électronique ultra secret récemment mis en place. Ana Belén Montes, figurant parmi les personnes connaissant cette installation, doit à nouveau être soumise à un détecteur de mensonges. Un appareil encore plus sophistiqué qui a déjà permis de démasquer des espions. Résultat ? Rien. Elle passe le test haut la main. Et en 1997, elle reçoit un certificat de distinction des mains même du directeur de la CIA de l'époque, George Tenet. Elle devient donc pratiquement intouchable. Et elle va pouvoir poursuivre son travail d'espionne quelques longues années encore. France Inter, Patrick Pénaud, à rendez-vous avec X. Intouchable, Ana Montes, mais surtout apparemment sans aucune aspérité, selon le journal chilien Que Pasa, qui l'évoque en ces termes en janvier 2007. Il n'y avait aucune raison de la soupçonner. Comme les autres employés de la DIA, Ana Belén Montes accomplissait ses 8 heures de travail quotidien sans parler à personne ou presque. Enfermée dans son bureau, elle rédigeait des rapports sur les dangers du régime cubain pour les États-Unis. Sur la porte vitrée de son bureau, sa qualité d'analyste en chef était indiquée. À l'intérieur, elle affichait une certaine austérité en conservant un vieux canapé noir où s'asseyaient les membres du Pentagone qui venaient discrètement lui demander conseil sur la conduite à tenir face à Castro. Le reste du mobilier consistait en un ordinateur relié aux 60 terminaux du FBI et une étagère chargée de volumineux classeurs prenant la poussière. Il y avait également la photographie de son éternel fiancé, Roger Canerretto, un membre du commando sud chargé de la supervision des opérations militaires dans tout l'hémisphère, y compris Cuba. La question la plus importante, quel renseignement Ana Montes a-t-elle pu fournir à ses amis cubains ? Sa moisson a été très riche, car elle a informé en permanence la Havane des dispositifs militaires américains dirigés contre l'île et aussi sur les tentatives d'espionnage des agences états-uniennes. Car elle a eu entre les mains les rapports de la NSA sur les moyens d'interception des communications appliquées à Cuba et à l'Amérique latine. Bien avant Edgar Snowden, donc. En effet. Accessoirement, elle a aussi révélé l'identité de 4 agents secrets américains qui opéraient à Cuba. Je vous disais que son action avait été aussi politique. Ainsi, c'est elle qui a rédigé en partie un rapport qui a permis au Pentagone de conclure en 1998 que Cuba n'était plus vraiment une menace pour les États-Unis. Un document vivement critiqué par les parlementaires des États du Sud-Est. Ouais, où de nombreux électeurs sont d'origine cubaine. Hein. Évidemment. Enfin, Ana était un membre influent de la commission sur les cibles difficiles qui avait pour objectif d'étudier des missions d'espionnage dans les pays jugés hostiles. L'Iran, la Chine, la Corée du Nord et bien sûr Cuba. Elle avait donc la possibilité d'envoyer à la Havane des informations de la plus haute importance. Et il paraît que ces rapports étaient lus en priorité par Fidel Castro en personne. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'a appelée l'espionne de Fidel. Sans nul doute. Pourtant, ça commence à se gâter pour Ana Montes en septembre 2000. Mais que se passe-t-il alors ? Elle attire alors l'attention d'un modeste employé, Scott Carmichael, un ancien flic du Wisconsin qui a été engagé à la DIA pour traquer d'éventuels espions. Ce qui a intrigué ce type, c'est l'arrestation d'un espion américain à Cuba dont Ana Belén était l'une des rares personnes à connaître l'existence. En fait, depuis avril 1998, une recherche coordonnée par les différents services américains avait été lancée pour tenter d'identifier un employé gouvernemental qui pourrait travailler pour les Cubains. Dans un premier temps, on avait pensé que la taupe était un employé de la CIA. Oui, mais fausse piste, hein. Oui. Puis les enquêteurs apprirent que l'espion mystère s'était rendu sur la base navale de Guantanamo. Or, Ana y était allée dans le cadre de son travail à la DIA. Autre détail, l'espion aurait possédé un ordinateur Toshiba. Attendez, ça venait d'où tous ces renseignements-là? Je vous explique dans un instant. Car les Cubains n'étaient pas les seuls à posséder une formidable taupe. Alors, muni de ces informations, ce Car Michael a procédé à des recoupements grâce aux banques de données des agences américaines CIA, DIA, FBI, etc. Et finalement, alors, le nom d'Anna Montes est apparu? Oui. Un incident ayant eu lieu en 1996 a sans doute pesé lourd dans cette recherche. Anna avait déjà fait l'objet d'une enquête interne après qu'un de ses collègues de la DIA eut signalé son agressivité anormale alors qu'on refusait de lui donner accès à un dossier sensible. Déjà, Carmichael avait été chargé de l'interroger et il en gardait un mauvais souvenir car la jeune femme en était sortie blanchie alors qu'il était, lui, persuadé qu'elle avait menti. Oui, mais ça, c'est pas une preuve. C'est vrai. Cependant, Anna avait désormais un ennemi, un homme décidé à la démasquer, en dépit, il faut le dire, des réticences du FBI. Mais Carmichael insiste et finit par l'emporter. Pas moins de 50 agents sont mis sur la piste d'Anna Montes. Il leur est bien sûr facile d'établir qu'elle possède un ordinateur Toshiba. Oui, mais comme des centaines de milliers d'autres Américains. Vous avez raison, ce n'est pas une preuve. Et rien ne permet de découvrir qu'elle rencontre des Cubains ou qu'elle envoie, par exemple, des messages codés. Donc l'enquête, là, ne débouche pas. Or, le temps presse. Je vous explique. La DIA a proposé une promotion à son analyste, un poste important au sein d'un organisme consultatif auprès du directeur de la CIA, installé à l'anglais même. Oui, c'est-à-dire le siège de la CIA. Et si elle était nommée à ce poste, elle serait à même de recueillir des informations encore plus précieuses. Alors, que faire tant qu'elle demeure l'objet de soupçons? Eh bien, il est décidé un gel total et temporaire de toutes les nominations à l'extérieur sur décision du directeur de la DIA, le vice-amiral Thomas Wilson. Et en même temps, les enquêteurs du FBI décident d'aller de l'avant. Profitant d'un départ en week-end à Montes avec son amant, il est décidé d'opérer une fouille de son appartement. Une fouille illégale? Parfaitement. Ouais. Et que trouve-t-on? D'abord une boîte en carton contenant une radio à ondes courtes, un ordinateur Toshiba à l'intérieur duquel on découvre des instructions de chiffrage. Mais la trouvaille la plus importante, c'est un document qui porte un nom. Celui d'un considérable agent américain qui a longtemps opéré sous couverture à La Havane et qui a fini par être trahi. Trahi par Anna Montes? C'est ce que semble indiquer ce document en sa possession. Et je peux vous dire tout de suite, si cette taupe a été démasquée par Montes, ce sont aussi ces informations qui ont permis d'identifier la jeune femme. Ah oui, alors match nul au fond. On peut voir les choses comme ça. Je vais vous dire ce que je sais sur ce mystérieux agent. En tout cas, à partir de là, pour Anna Belén Montes, tout va très vite. Le 21 septembre 2001, l'analyste qui a rang de colonel est convoqué au FBI pour une affaire urgente. Et elle est aussitôt arrêtée pour conspiration en vue de commettre des actes d'espionnage. Comment réagit-elle? Avec le plus grand sang-froid. Mais savait-elle qu'elle était soupçonnée? Oui, depuis quelque temps. Donc elle aurait pu fuir? Mais elle ne l'a pas voulu parce que, a-t-elle dit après son arrestation, elle voulait accomplir sa mission au service du peuple cubain, jusqu'au bout. Alors, cette taupe-là qui travaillait pour les Américains? C'est un nommé Rolando Saraf Trujillo, un homme qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années. Mais je préfère vous le dire d'emblée, on connaît assez peu de choses sur cet homme. Alors, voici le peu que l'on sait. Trujillo serait sorti diplômé de l'université de La Havane en 1990. Et il aurait tout de suite été embauché à la direction du renseignement cubain, la DI selon son acronyme. Et pourquoi ce recrutement? Trujillo, qui prétendait être un modeste journaliste, était en réalité un cryptographe très doué. Ouais, c'est-à-dire un spécialiste du cryptage et du décryptage des messages. Un domaine très pointu du renseignement, oui. Et donc un technicien indispensable pour le service cubain qui gérait un vaste réseau d'espions installés à l'étranger. Mais sa compétence n'était, semble-t-il, pas seulement technique. En réalité, c'était un homme indispensable qui avait une connaissance précise de l'implantation des agents cubains infiltrés hors de l'île. Et c'est lui qui leur donnait les moyens de communiquer avec leur centrale et aussi d'échapper à la surveillance des services ennemis. Par conséquent, alors, lorsqu'Anna Montes envoyait ses rapports nocturnes, ça passait peut-être par Rolando Trujillo. Presque certainement. Mais pour autant, connaissait-il l'identité de ces agents qui communiquaient avec la direction du renseignement? Ah ben ça, c'est une autre chose. Seuls les pontes de la DI avaient accès à ce genre d'informations. Pas trop Rio. C'est certain. Ils ne connaissaient pas le nom de ces agents. Mais ça ne l'empêchait pas de savoir un certain nombre de détails sur eux. Leur localisation approximative ou encore la nature de leur travail. Car il était en mesure de décrypter les messages qu'ils envoyaient. Bien sûr, je simplifie, mais en livrant ce genre d'informations aux Américains, ceux-ci pouvaient très bien remonter peu à peu jusqu'à cette taupe cubaine. Et comment ce Trujillo a-t-il été amené à trahir son pays? Je ne le sais pas. Mais ce dont on est sûr, c'est que cet homme a réussi à transmettre à la CIA de précieux documents informatiques émanant directement de son service. Des documents cryptés, hein? Dont il leur a fourni là où les clés. Et comment a-t-il été démasqué? Mystère. On sait seulement qu'il aurait été arrêté en 1995 et qu'il aurait été emprisonné depuis cette date. Mais, si je comprends bien, les Cubains ont été extrêmement discrets à propos de cette affaire. Et le demeurent toujours. Car c'est uniquement par une indiscrétion américaine qu'on a appris que Trujillo avait été inclus dans l'échange d'espions. Il semble d'ailleurs que Washington attachait une grande importance à sa libération. Mais encore un mystère. Depuis qu'il est sorti des geôles cubaines, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bah, il serait logique qu'il soit parti pour les États-Unis, non? Certes. Mais pourquoi l'administration américaine refuse de le confirmer? Elle ne veut même pas reconnaître que ce Trujillo a bien été échangé contre 3 Cubains. Vous savez, ces hommes qui avaient infiltré les mouvements anticastristes à Miami. Oui, et qui n'étaient peut-être pas de vrais espions, selon vous. Autre chose alors, vous paraissez à peu près sûr que c'est grâce aux informations transmises par Trujillo que le contre-espionnage américain finit par identifier Anna Montes. C'est probable, en effet. D'accord, mais l'espionne a été débusquée 6 ans. Après l'arrestation de Trujillo. Bah parce que les Américains ont dû procéder à un laborieux travail de décryptage et de localisation de Montes à partir des documents fournis par Trujillo. Autre élément troublant, il semblerait que la propre sœur d'Anna... Ah oui, celle qui travaillait pour le FBI, m'avez-vous dit. Hein. Eh bien, cette sœur, Lucie, n'aurait pas été tout à fait étrangère à la capture de celle que l'on appelait à la DIA la reine de Cuba. Oui. Il reste aussi cette question-là. Pourquoi Anna Montes n'a-t-elle pas été incluse dans l'échange d'espions alors qu'elle a rendu tant de services aux Cubains? Ben justement parce qu'elle n'est pas cubaine. D'ailleurs, Montes ne se faisait pas grande illusion. Dans un sursaut d'orgueil, elle a déclaré, depuis sa prison, n'avoir aucun regret. « Je dois allégeance à des principes et non à tel ou tel pays, gouvernement ou personne. Je ne dois allégeance ni aux USA, ni à Cuba, ni à Obama, ni aux frères Castro, ni même à Dieu. »